Je peux plus compter les fois où j'ai eu raison et j'aurais aimé avoir tort. Je voulais sauver les autres d'abord, comme celles que j'aimais à mort. Je suis mon propre bourreau, tu serais pas là si je t'avais traité de la sorte. La guitare se désaccorde et le plafond m'a tendu la corde. Un buffet de désespoir pour une joie distribuée en ration. On s'aime, on se hait dans la passion. Slalom entre vice et tentation. J'sais bien tout foutre en l'air, j'sais pas trop réparer. Pourquoi le déluge vient pas? J'm'y suis trop préparé. On arrive presque à l'aube. J'ai rêvé d'être un autre, mais j'pourrais jamais être un autre. Un autre, un autre. Suffirait d'un mot, d'un regard pour apaiser le cœur d'un homme. Mais y'a pas tout ça ici, c'est brisé qu'on change la donne. J'ai perdu mon temps à chercher des réponses dans ses yeux. Tu m'as dit j'suis bon, tu m'as dit j'suis mauvais, juste les deux. Et j'ride dans la nuit, j'peux pas m'empêcher d'éteindre les feux. J'étais en enfer, j'suis revenu ici, l'enfer c'est mieux. Et Dieu sait que j'ai pas trop le moral, mon silence c'est tout ce que t'auras. J'regrette le soleil sous la pluie, mais quand le ciel est bleu j'veux l'orage. Me demande pas comment je vais, si tu veux pas que je t'explique les ténèbres. T'es comme la précédente, j'ai reconnu le venin sur tes lèvres. Je me réveille, je me souviens, j'ai des larmes sur les joues. Je fais comme si je sais pas, mais j'y pense tous les jours. Sous beuh, je dépersonnalise, j'attends mais personne arrive. Tu peux me toucher la main, mais pas mon cœur, c'est zonaris. Je voudrais voir la mer, le vent, sur le drapeau la tête de mort. On a trouvé la guerre dehors, parce que c'est la guerre dedans. Je voudrais voir la mer, le vent, sur le drapeau la tête de mort. On a trouvé la guerre dehors, parce que c'est la guerre dedans. Tristesse n'a pas de fin, félicidad ici. Et tout a changé ici, c'est comme si je viens pas d'ici. Mille fois j'ai dit que j'arrête, mille fois j'ai tout recommencé. Ils deviendront quoi les mots, ceux que j'ai jamais prononcés. La mer, le vent, la guerre dehors, la guerre dedans. La mer, le vent, la guerre dehors, la guerre dedans.